La fusion. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Si l'esprit prend contact avec l'âme lors de son incarnation dans la matière et qu'elle est capable d'intégrer son énergie de manière cohérente, eh bien, il va lui donner l'opportunité de se doter d'une identité cosmique se rapportant à l'intégration de son énergie. Il va lui permettre de continuer d'exister comme conscience fusionnée suite à la fin de la vie du corps physique qu'elle a habité. L'âme qui vit la fusion avec l'esprit, lorsqu'elle est dans un corps physique, va continuer d'être en contact avec lui une fois qu'elle ne sera plus en contexte d'incarnation. Lorsque l'âme vit la fusion avec l'esprit, cela lui donne accès au plan mental. Ainsi, lorsqu'elle n'habitera plus le corps physique qui aura décédé, elle va se retrouver sur le plan mental plutôt qu'astral. Donc, elle ne sera pas prisonnière du plan astral, soit le monde de la mort. Ainsi, elle ne sera pas contenue en quarantaine dans cette structure d'énergie en périphérie de la Terre. L'âme en fusion avec l'esprit a un accès continuel à des idées créatives qui lui permet de continuer à se développer et se modifier en tant que créature énergétique ayant un fonctionnement autonome dans l'après-vie. Elle est alors une autodidacte psychique. Donc, elle n'a plus besoin de se réincarner pour évoluer, car elle peut le faire par elle-même dans l'après-vie. Elle change de statut vibratoire. Elle passe d'un statut d'être planétaire à un statut d'être de nature cosmique. Par contre, l'âme qui ne vit pas la fusion alors qu'elle réside dans un corps physique va devoir se réincarner dans un autre corps plus tard, pour poursuivre son évolution et la vivre éventuellement. Donc, lorsque cette âme non fusionnée quitte le corps physique, elle ne sera pas une entité complète sur le plan énergétique. Ainsi, elle n'aura pas vécu le contact avec l'esprit alors qu'elle était dans un corps physique. Elle ne pourra pas davantage l'expérimenter une fois qu'elle l'aura quitté ensuite, car c'est seulement en contexte d'incarnation qu'il peut être établi. Ainsi, elle devra obligatoirement se réincarner pour le vivre. Par conséquent, cette âme retournera alors sur le plan astral après son incarnation. Comme elle n'est pas en contact avec l'esprit, elle ne peut pas se développer dans l'après-vie terrestre et son état mental est stagnant. Cela peut lui occasionner de la souffrance et un sentiment de vide intérieur. Le processus de la fusion de l'âme avec l'esprit n'est pas nécessairement garant de l'immortalité du corps physique, comme cela a été véhiculé par certaines croyances sur Terre. La fusion ne fera pas en sorte que le corps physique qu'habite l'âme va arrêter de vieillir, car l'esprit n'a pas nécessairement pour but de rendre le corps physique immortel. Le passage sur Terre étant une planète-école, où l'on fait des expériences, s'avère souvent pour les esprits une étape en vue d'une évolution et non pas une destination finale. La raison qui fait en sorte que la fusion ne peut se vivre que lorsque l'âme est incarnée dans la matière, plutôt que lorsqu'elle se trouve sur le plan de la mort, est liée à la présence du corps physique. C'est sa présence comme structure d'énergie intermédiaire entre l'âme et l'esprit qui rend possible l'union entre ces deux éléments de niveaux vibratoires différents. Lorsque l'âme ne réside plus dans le corps physique, au moment de la mort, eh bien, elle n'a plus cette interface qui lui permet d'établir un contact avec l'esprit. Donc, comme il y a trop d'écart entre les niveaux d'énergie entre ces deux éléments, leur union s'avère impossible après l'incarnation. Suite à une incarnation sur Terre, l'âme non fusionnée avec l'esprit est dirigée sur le plan astral et l'esprit non fusionné à l'âme continue de résider sur le plan mental. Le plan astral et celui mental sont deux structures énergétiques distinctes. L'âme qui n'est pas fusionnée avec l'esprit ne peut pas accéder au plan mental. Elle s'avère contenue dans le plan astral qui est en périphérie de la Terre, alors que l'âme fusionnée peut aller sur le plan mental et voyager dans le cosmos librement dans l'après-incarnation. Donc, c'est à travers le processus de la fusion que l'âme peut se libérer du plan astral qui la rattache à la Terre. Tant que l'âme est englobée par l'astral, elle présente un statut d'entité en quarantaine. Par conséquent, ses déplacements sont limités et contrôlés. Lorsqu'il y a une pénétration du rayon de l'esprit dans la structure énergétique de l'âme, lorsqu'elle est dans un corps physique, eh bien, ce branchement de l'esprit perdure au moment du décès du corps physique qui permet dans l'après-incarnation une poursuite du transfert d'énergie de l'esprit dans la structure énergétique de l'âme pour qu'elle continue son travail d'intégration de la vibration de l'esprit après son incarnation sur Terre. Lorsque l'être a totalement fusionné, il acquiert l'autorité vibratoire lui permettant d'amener les êtres du plan astral à lui répondre intelligemment lorsqu'il lui parle et à lui donner accès à l'information dont il a besoin. Cela s'explique parce que l'âme en fusion qui a intégré la vibration de l'esprit acquiert une capacité de questionner vibratoirement et de percevoir psychiquement sur le plan vibratoire que l'âme sans contact avec l'esprit ne dispose pas. Plus que l'âme intègre la vibration de l'esprit et plus elle a un niveau vibratoire élevé qui lui donne l'autorité de diriger les êtres du plan astral ayant une vibration plus basse et plus elle s'avère capable de faire une lecture vibratoire des propos de ces êtres pour accéder au réel et moins elle est manipulable par eux. Comme c'est l'entité qui a la vibration plus haute qui a autorité sur celle qui a la vibration plus basse, eh bien, l'entité du plan astral qui a une vibration plus basse que l'être en fusion ne peut pas le forcer à répondre à ses questions et à s'imposer à lui avec sa volonté. Par conséquent, l'être fusionné est libre de leur parler ou non. Il est en mesure de faire une retenue d'informations et à occulter certaines choses comme les entités du plan mental peuvent le faire. Essentiellement, la fusion avec l'esprit altère le mental de l'individu qui la vit. Elle fait de lui un être qui modifie par la suite ses comportements dans la vie de tous les jours en conséquence. Donc, elle occasionne des êtres qui vont agir dans leur quotidien en fonction de la science de l'esprit. C'est ce qui complète la lecture de l'écrit qui porte sur la fusion.